بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله أعلم وأحكم بعباده. الله قد كرم المرأة المسلمة الصالحة كرمها، وأنتم تريدون أن تهينوها وأن تبتذلوها. الله أعزها ودفع عنها الأذى، وأنتم تريدون أن تعرضوها للأذى والفتن. لا تؤذوا إماء الله، لا تؤذوا النساء، حرام حرام أن تعرضوا النساء للظلم وأن تعرضوهن للفتن. فالأصل المرأة تبقى في البيت إلا سين حاجة فتخرج، وعند هذا الخروج لابد من العناية بآداب الخروج. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن المرأة الأصل أنها تبقى في بيتها. وقرن في بيوتكن، أي restez dans vos foyers. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il informe ibadahu al-mu'minin anna al-mar'a fi din al-islam ala wa lillahi alhamdu al-manzila, elle a une place importante. Fahiya mukarramatun mu'azzaza fi baytiha. Allah subhanahu wa ta'ala, avec cet ordre, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, il montre la place de la femme. Et sa place, c'est fil bayt. Et fil haqiqa, hada, comme on a dit, c'est une manzil azima pour la femme. Incha'Allah, dans son foyer, elle est préservée min al-fitan. Elle est préservée min sharri al-ashrar. Wa lillahi alhamd, son père ou son fils ou son mari ou son frère, ils prennent soin d'elle. Hadi c'est une ni'ma yajibu ala al muslimat shukraha wala taghtari ukhti al muslima bi ghazwi al kuffar. Fal kuffar combat al islam en combattant la femme muslima, et un de leurs moyens de combattre هذه المرأة المسكينة الضعيفة, c'est de faire sortir cette femme de son foyer. Ils combattent le din, ils combattent le Coran al-Karim, ils combattent le Rasoul wa atba' هذا الرسول عليه الصلاة والسلام, en combattant la femme, et un des moyens c'est de la faire sortir du foyer. Wa Nabi صلى الله عليه وسلم il a informé أن ما ترك على هذه فتنة على هذه الأمة من الفتن أشد من المرأة. الكفار قاتلهم الله. Ils savent très bien أن la femme, si elle sort de son foyer, c'est une cause de fitan. Ça va être la conséquence de la mixité, de zina et جميع أو كثير من الشرور. Ils vont être provoqués par cette sortie et le fait que la femme n'est plus à sa place. On fait attention à هذا الغزو, هذا الغزو الخطير. Ils combattent l'ail nahar, l'islam ou le muslimi. وللأسف تتخوف بعض المسلمات بسبب الجهل والهوى والشهوات. Elle pense que le fait de rester dans le foyer, c'est un aqs. كأنه c'est une diminution pour cette femme. كأنه c'est un manque de respect. أين قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن. Ça c'est أمر الرب العالمين. Ça c'est Amr al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé la femme et c'est lui qui a décidé subhanahu wa ta'ala et qui a ordonné anna la place de la femme c'est fil bayt. Wa qarna fi buyutikunna. Wa les femmes, les muslimates, elles ont un bel exemple sur les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Aisha, Umm al-Mu'minin radiyallahu anha wa Hafsa وأم سلمة، toutes les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام، elles restaient dans leur foyer. إلا لحاجة، فالأصل، comme on a dit، المرأة تبقى في البيت. إلا si une حاجة، فتخرج، وعند هذا الخروج، لابد من العناية بآداب الخروج. Donc la base c'est que la femme elle reste dans son foyer comme il a informé Allah subhanahu wa ta'ala wa qarna fi buyutikunna, restez dans vos foyers, illa li haja, pour une chose, elle a besoin d'une chose, elle doit sortir pour une raison. Et wa fi hadha al-hal, si elle sort, elle doit avoir un comportement, et parmi ces comportements, et inshaAllah c'est le thème de cette kalima, sallallahu subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadat. On va citer quelques comportements que la femme musulmane elle doit adopter quand elle sort de son foyer. Parmi ces comportements, idn zawjiha aw waliha. Et ça c'est muhim. La permission de son mari si elle est mariée ou de son wali si elle n'est pas mariée, son père ou son frère. Hada c'est muhim. Et hada fi al-haqiqa, c'est pour prendre soin de cette femme. Ta'lamoun anna le zaman où qu'on vit, il y a beaucoup d'ashrar, beaucoup de fujjar, beaucoup de fussaq. Fait que la femme, elle sort sans la permission. Personne ne sait où qu'elle est, quand est-ce qu'elle est sortie ou elle est partie. Hada vihi dhararun kabir ala al-mar'a. Mais wallahi, anna hadi al-shari'a. Tout ce qu'on va citer l'an min al-ahkam wa min al-adab, al-haqiqa c'est pour préserver la femme. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. Ba'd an-nas l'an ils pensent que ça c'est un manque de respect comme on l'a cité. Ils respectent pas la femme. Hakadha ba'dhum yaqulun. Hada c'est min al-jahl. Ha'oulay connaissent pas din al-haq. Ha'oulay connaissent pas sunnat an-nabi alayhi salatu wassalam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hada an-nabi sallallahu alayhi wasallam il a été envoyé rahma. C'est marhma pour l'homme, pour la femme, pour les adultes, pour les enfants. Belli l'alamin, comme a akhbar Allah Azza wa Jal. Fattamassouk, attamassouk, wa adam l'igdirar. Bi a'da illah. Que ce soit des kuffars, ou des munafiqin, ou dhullal min al-muslimin. Fal mar'a, la takhruj illa bi idni zawjiha ou waliyiha. La bout, elle demande la permission. Faqad thabata, an ibn Umar, radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن. متفق عليه. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينودمونتخ أن سي une femme elle demande la permission pour aller au masjid, son mari ou son père ou son frère, il doit lui donner la permission. Ça montre pour aller au masjid elle doit demander la permission. ما بالك غير المسجد. إذا استأذنكم نساؤكم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد هذا مهم. أولا قبل الخروج elle doit demander الإذن. الزوج أو الولي il doit pas refuser l'idn si c'est pour une حاجة pour مسجد Alors pour autre, une chose qu'elle a besoin, s'il n'y a pas de fitna bien sûr. Et si l'homme, que ce soit le mari ou le père, il décide de ne pas donner l'autorisation, فالمرأة, elle doit obéir. Rubbama, il sait une chose qu'elle n'a pas connaissance. Rubbama, il sait que cet endroit vit kada wa kada, et il a peur pour sa femme ou pour sa fille. فالمرأة تصبر. Et elle respecte. Si elle demande l'aide, ce n'est pas forcément une réponse positive qu'elle va avoir. Là. فهيادة الحال, elle demande la permission, نبي أدب, et s'il lui donne, فطيب, et s'il lui donne pas, فإنشاءالله تصبر, et إنشاءالله يا خير. Et si vraiment il y a une raison de sortir et il faut qu'elle sorte, elle lui montre, elle lui explique. هذا, فلا إفراط ولا تفريط. هذا الجانب. On n'exagère pas en refusant sans raison, et كذلك on n'ouvre pas les portes à tout. Là. كذلك من الآداب عند الخروج غض البصر أي baisser le regard. وهذا c'est مهم لأن ce regard c'est une cause de fitan. قال عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يغضضن من أبصارهن أي البس le regard لأن لا تظنون il n'y a que l'homme qui peut tomber dans le fitna en regardant une femme. Là, elle peut tomber dans le fitna en regardant un homme. فَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامِ أَبُو بَكْرِ إِبْنُ الْعَرَبِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَكَمَا لَا يَحِلِّ الرَّجُلَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ. L'homme, il ne lui est pas permis de regarder une femme étrangère, sauf le premier regard, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, thumma il baisse le regard. Et le premier regard, yahsul, rubbama, il ne sait pas y a qui devant lui, rubbama, il n'avait pas l'intention. Lakin, ba'd dhalik, il baisse le regard. Fa hakadha la femme. Fa kadhalika la yahillu lil mar'a an tanzura ila ar-rajul. Fa lihadha Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux croyants de baisser le regard et il a ordonné aux croyantes كذلك. قال فإن علاقته كعلاقتها به. صحيح. Comme l'homme il peut tomber dans le fitna et ربما il a des désirs, هكذا la femme, elle peut tomber dans le fitna. قال وقصده منها كقصدها منه. فهذا أدب عظيم جدا. غض البصر. Inch'Allah, ça préserve des fitan. Ça commence par un regard, ça peut aller très loin. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن العين تزني وزناؤها النظر. Le Nabi صلى الله عليه وسلم informe que l'œil, كذلك, tombe dans le zina. Et le zina, c'est le fait de regarder. Une femme, elle regarde un homme étranger ou un homme, il regarde une femme étrangère. من الآداب كذلك المهمة عند الخروج. Parmi les comportements كذلك que la femme elle doit appliquer quand elle sort, الاحتجاب من الحجاب الشرعي. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تأملوا الآية فيها حكم يا حكم أي الأمر بالحجاب. Et à la fin Allah subhanahu wa ta'ala il clôture ce verset avec deux noms, وكان الله أو trois noms, وكان الله غفورا رحيما الغفور الرحيم. Tout ça, ça te montre que هذا الأمر c'est من باب الرحمة pour العباد. Et Allah subhanahu wa ta'ala il veut préserver هذا العبد avec ce أمر. Cette muslima, ce hijab, bi'idnillahi azza wa jal, il va la préserver de beaucoup de maux. Bi'idnillah. Ya ayyuhan nabiyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ça englobe toutes les muslimas, toutes les mu'minat. Qala yudnina alayhinna min jalabibihinna. Et hona y a la sifa du hijab. Ce hijab il doit recouvrir le corps. Yudnina alayhinna min jalabibihinna. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'adhayim. Inch'Allah, c'est un sabab que cette femme, elle est préservée bi'idnillah azza wa jal. Contrairement aux mutabarrijat, al-fasiqat, qui sortent sans hijab, c'est une proie. Wal'iyadu billah. Kam min fasiq, il la regarde. Kam min mujrim, il espère des choses. Na'oudu billah min al-fitan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'altumuhunna mata'an, fas'aluhunna min wara'i hijab. Min wara'i hijab. Ça montre anna la femme, elle doit être couverte. Dhalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna. Et ce hijab, c'est une raison, c'est une cause, bi'idnillah, que ce cœur ne tombe pas malade. Yann al-insan, il n'est pas à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à la femme al-hijab, les hikmah azimah. C'est pour préserver le mujtama'. Al-an, la plupart des communautés où il n'y a pas le hijab, al-an, ma'rouf, al-fujour, wa al-fisq, wa al-ijram, qui est répandu. Bi-sabab, il n'y a plus cette chose qui préserve al-hijab al-shar'i. Qala al-imam Ibn Kathir rahmatullah alayh, qala hadha amrun min Allah ta'ala lin-nisa al-mu'minat wa ghayratun minhu li azwajihinna. Sahih, sahih. Le fait que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ils ont ordonné à la femme hadha al-hijab, wallahi c'est ikriman, c'est ikram pour cette femme, c'est de la préserver. Ghayra, ghayra. Amma, délaisser cette femme miskina, sans hijab, personne qui s'occupe d'elle, elle sort toute seule. Na'oudou billah. Ma'rouf, qu'est-ce que. Hatta fi bilad al-kufr, hein, qui prétend la liberté de la femme, yu'anoun min hadha al-an. Comme ils se plaignent. Comme ils se plaignent. Combien de femmes elles se font agresser? Combien de femmes, na'oudou billah? C'est devenu un objet indahum. Limada? Li'anna ils appliquent pas hadith sharia al-azima, al-samha. Al-samha, il y a un khayr pour l'homme et pour la femme, bi'idnillah azza wa jal. Et l'importance, vu l'importance de cette ibadah, hadith sha'ira, al-hijab, al-kuffar, il la combat ditten. Il combat le hijab ditten. Donc, le khubatha, ils savent très bien le bien qu'il y avait à l'hijab. Ils savent très bien que le musulmane yatamayyazoun anil kuffar bihada. Et la femme muslima, bi'idnillah azza wa jal, elle est préservée bihada l'hijab. Et elle sort avec son mahram. Khasatan le voyage ou un endroit où il peut avoir des problèmes, elle sort avec un mahram. Bi'idnillah, cette femme, elle est préservée. Et hum, a'da'ullah, qatalahumullah, ils veulent du bien ni pour la femme ni pour l'homme. Fantabihu ayyuha al-muslimoun. La taghtar. Cet appel qu'ils font, Layl Nahar, à la liberté pour la femme. Wallah, ils ne sont pas haoul la femme, abadan. Wallah, ils détestent l'islam ou les musulmans. Amma, cette prétendue idée qu'ils veulent sauver la femme musulmane, wallah, c'est du kadib. Ils n'ont aucune rahma, la li al-muslim ou la al-musliman. Qala ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qala wa tamyizan lahunna an sifat nisa al-jahiliya wa af'al al-mushrikat. Ce hijab, ukht al-muslima, ce hijab, c'est un tamyiz, ça te différence. Si ce hijab, bi'idnillah azza wa jal, des kafirat, des mushrikat. Allah subhanahu wa ta'ala, l'an, il donne l'importance à hadi al-mar'a. Elle se couvre et elle peut se découvrir illa an zawjiha, son mari, ou maharim, elle enlève le hijab. Amma, هكذا كم يفعل الكافرات الآن في الشوارع ونعوذ بالله نعوذ بالله c'est pour ça que l'an la femme عندهم c'est comme un objet. ثم ils accusent les musulmans de pas donner حق للمرأة, de pas droit à la femme. هذا c'est du كذب, c'est du تلبيس ما فضوح. فحمد الله فحمد الله على هذه النعمة ولا تغتر بالكافرات. La taghtarri bil kafirat. Il n'y a pas de khayr fil kufr. Il n'y a pas de khayr fi al-usyan. Il n'y a pas de khayr fi mukhalafat hadi al-Nabi alayhi salatu wassalam. Qalat al-lajna al-da'ima wa wajhu al-dalala ay min al-aya anna al-mar'a idha kanat ma'mura bisadli al-khimar min ra'siha ala jaybiha litastur sadraha fahiya ma'mura bidalalati al-tadammun أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة. هذا سيستدلال طيب. الله سبحانه وتعالى il a ordonné aux femmes de rabattre leur voile sur eux, et ça implique que la femme elle doit couvrir son corps. Et ça implique le visage et le cou. كذلك les mains et les pieds. كما جاء في الحديث المرأة عورة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه الواجب عليها عند الخروج اي سي نوبليغاسيون pour la femme qui sort قال من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها لأي ساترك نعم هذا هو الحجاب الشرعي نحن الان on cite ces précisions لان الان ربما مسلمه مسكينه بالخير et elle veut appliquer ces choses لكن elle a une compréhension du hijab qui est pas en concordance avec les textes. أما النساء نساء الصحابة portaient le hijab qui est cité dans l'آية et elles se couvraient tout le corps. قال الشيخ بن عثيمين لكن الأفضل لبس قفازين كما هو عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم عند الخروج. نعم. L'essentiel c'est que les mains soient couvertes. لكن le mieux c'est avec des gants. كما الفزايا الصحابيات كما قال شيخ ابن عثيمين قال ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تلبس قفازين فسا مونتر أن en dehors de l'Ihram elle porte le قفازين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مونتر أن عند الإحرام الجلباب il est pas collé contre le visage ça montre أن hors de l'Ihram hors du حج أن le visage couvert هذا من أقوى الأدلة على بيان وصف الحجاب الشرعي أختي المسلمة si tu veux porter le hijab إن شاء الله tu dois le porter tu portes le hijab الشرعي الحجاب الذي أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أما certains hijabs qu'on voit الآن avec certaines couleurs ربما il est ضيق ربما il couvre pas le corps entier هذا في الحقيقة c'est une مخالفة لدين الله دين الله il y a des règles précises ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Parce que celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il doit adorer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et parmi ces adorations pour la femme, l'abs al-hijab. Wa hadha al-hijab kadhalik yustahab an yakun aswad khasatan 'inda al-khuruj. Que ce jilbab soit noir. Qala كما قالت عائشة رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن المرطو سان لباس أسود هذا الشاهد أن السفة من زاسسته وفجر avec le prophète عليه الصلاة والسلام et elle venait habillée بهذا اللباس الأسود متلفعات أي couvert بمروطهن avec cet habit noir هذا سأفضل هذا سأفضل أما certaines couleurs qui attirent le regard فهذا لا هذا من أسباب الفتن كذلك من الأسباب المهمة تحريم خروج المرأة متعطرة أن la femme si elle sort de son foyer elle sort pas parfumée ça c'est من الفتن كذلك عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية كل عين زانية والنبي هذا في غض البصر قال والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا نعم يعني زانية قال صلى الله عليه وسلم فمرت بمجالس فهي كذا وكذا تسأل عن خلال النبي صلى الله عليه وسلم la femme qui sort parfumée نعم قال المبارك فوري رحمة الله عليه صاحب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي قال لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها أو بعطرها صحيح أنه سبأتغي للزم سين فام الباس دفن لي بارفومي هاي سبب الفتن قال وحملته على النظر إليها كذلك سأتغي لغوغار ربما يلتفت وينظر الشيطان يغنط قال وإن نظر إليها فقد زنى بعينه وهذا من خطوات الشيطان من خطوات الشيطان الله سبحانه وتعالى نوزا انترديد دو سويف خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان une odeur ثم un regard ثم ربما كلمة ثم شر قال رحمة الله عليه فهي سبب زنى العين فهي آثمة C'est qui la cause de hada, de ce shirr? C'est cette femme qui est sortie parfumée. Fahiya athima. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a comparée à zaniya. Qal ya'ni zaniya. Ay, elle peut être la cause de ce shirr. Et de cette fitna et de cette ma'asiyya. كذلك من الأدب عند الخروج أن المرأة لا تخلو بأجنبي تحريم الخلوة بالأجنبي أي une femme elle sort elle se retrouve dans un endroit seul avec un homme هذا كذلك من أسباب الفتن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء إياكم والدخول على النساء mise en garde du prophète عليه الصلاة والسلام أن un homme il se retrouve avec une femme et tout ça c'est pour préserver cet homme et cette femme فكم الآن من فساد من فساد à cause de la mixité من باب أولى الخلوة que ce soit au travail ou autre كم من فساد Et combien de problèmes de couple, de divorce, de chor, des enfants qui se retrouvent seuls, ils n'ont plus de parents à cause des divorces et la akhira. Et là, c'est pour ça, c'est pour ça le fasad. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار أرأيت الحمو أن من الأنصار quand il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire إياكم والدخول على النساء. Il met en garde. Un homme, il rentre dans un endroit où il y a une femme. « Qala hada al-rajul al-sahabi, ara'ayta al-hamu ?» Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulullah, et le hamu ?» Al-hamu, c'est « aqarib al-zawj ». « Aqarib al-zawj ». Matalan, « rajul », il est marié avec une femme, et le frère de cet homme, il rentre chez cette femme. Ou son cousin. Ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Qala al-hamu al-maut ». Il a comparé Al-Hamou, ce proche du mari, c'est comme le maut. Et il n'est pas à l'abri. Belle, ça peut être une fitna achet. Wa an ibn Abbas, radiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, la yakhluwanna ahadukum bimra'ah, illa ma'adhi mahram. Illa ma'adhi mahram. Ça montre anna, si cette femme, elle doit sortir, et elle doit aller dans un endroit où il y a des hommes, pour une raison légiférée, elle doit aller avec son mahram. Amma se retrouve toute seule avec un homme. Fala'oudou billah min al-fazal. Hatta si c'est pour une raison, un docteur ou autre, elle doit être accompagnée par un mahram. Amma toute seule, la ta'man ala nafsiha. Et fi hada al-hal, la femme, elle dit pas là, mais je sais, ou je risque rien là. Rubbama anti, tu veux pas faire du shar, lakin. هذا الرجل ربما يبي يشر. فتوت ça c'est pour préserver la mara. Toutes ces choses qu'on cite الآن والله c'est pour préserver la mara. Et c'est une نعمة ليس une رحمة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بمرأة إلا كان ثالثهما أو ثالثهما الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم informe أن si une femme elle se retrouve seule avec un homme, le troisième c'est Iblis, Al-La'in, Shaitan. Fal'an, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette assise? Un homme avec une femme étrangère, et le troisième c'est Shaitan. Et nous savons que dans ce temps, l'Iman est ضعيف, le ma'asi est kathira, et il y a beaucoup de moyens, ils ont propagé pour faciliter ces choses, on doit se préserver, nous. On doit se préserver, les membres de nos familles. كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله سبحانه وتعالى nous informe, nous ordonne, on doit préserver notre nafs et les membres de notre famille, nos proches, nos femmes, nos enfants, إلى آخره, nos sœurs. قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لأن الآن toutes ces مسائل qu'on cite في الحقيقة, t'as pas le choix. La femme, elle n'a pas le choix de ça, c'est le shara. Ces choses, c'est des obligations, elle doit s'écarter. Elle doit sortir avec le hijab, elle ne doit pas sortir parfumée, elle doit sortir avec l'autorisation. Elle n'a pas le choix. On répète, là, t'as terribé le kuffar. T'es libre, tu t'as. Abadan. T'es libre, il y a d'autres shara. C'est la sharia al-islamia qui nous ordonne, qui nous montre. On a des limites. كما قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Si Allah et son prophète ils ont légiféré quelque chose, المسلم المؤمن والمؤمنة ils ont pas le choix في هذا. Ils n'ont pas le choix أبدا. لأن الإسلام c'est دين الاستسلام, la soumission. Tu peux pas être soumis et faire ce que tu veux. Là, ça se contredit. قال نعم قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم مثل بنت العم وبنت العمة وبنت الخالة وما شبه ذلك. فصل بخزي طيبة الشيخ ابن عثيمين أن بعض الناس يبنس que les cousins, cousines c'est des mahrams أو tu peux rester seul. لا لا في الشريعة العلماء ils nous démontrent أنهم c'est des أجانب. La femme, elle n'a pas le droit de rester avec le frère de son mari, ou avec son cousin, le fils de son oncle ou de sa tante, que ce soit paternel ou maternel. La yujuzu laha. Haoula, c'est min al-ajalib, ce n'est pas des maharim. C'est pas des maharim, abadan. Elle aurait pu se marier avec lui. Amma al-mahram, c'est un homme, elle ne peut pas se marier avec lui, son frère, son oncle, son grand-père, son père, son fils. Naam, hada c'est muhim. Et تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت الحم الموت. انتبهوا لهذه الاعذار البارده. C'est mon cousin, c'est mon là si c'est un ajnabi, c'est pas un mahram, ولو c'est un membre de la famille, un cousin et autre, في هذا الحال لا يجوز الخلوة للمرأة بهذا الرجل. وقال رحمه الله كذلك شيخ ابن عثيمين ومن الخلوة بالسائق يعني الانسان كذلك في البريسيجون هنا أن من الخلوة ما يقع كثيرا avec السائق أي مثلا dans un bus أو dans un taxi dans les transports. هذا يحصل une femme, une soeur, elle se retrouve وحدها مع سائق. هذا c'est من الخلوة. الشيطان c'est le troisième في هذا الحال. قال يعني الإنسان عنده سائق وله امرأة أو بنت لا يحل له ويجعل السائق مع المرأة والبنت وحدها إلا مع ذي محرم. نعم لا فما لا بد غستي حتى dans ce bus أو cette voiture لا يجوز لها إلا مع محرم. قال لأن الخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت. صحيح الخلوة se retrouver seul dans une voiture c'est encore plus grave. La voiture elle se déplace et c'est un espace très restreint. هذا c'est خطير معروف. قال إذ أن الخلوة في السيارة يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان. صحيح صحيح personne n'est à l'abri de هذا أبدا كم من الناس ils se pensaient أو ils pensaient qu'ils étaient à l'abri de ces choses ووقعوا في المحذور. قال إلى أي مكان إلى آخره. Donc المرأة إذا خرجت et elle doit prendre les transports, il ne faut pas qu'elle soit seule ma'a al-rija. Kadalik al-ikhtilat, c'est khatir. Kadalik, dans les transports, ta'lamoun anna zihma. Il y a, rubbama, il y a du monde. Rubbama, il y a des bousculades. Rubbama, va via d'al-hal. Al-mar'a takhroj avec un mahram. Et elle s'écarte des endroits de fitan bi qadr al-istita'a. Kadalik, min al-adab al-muhimma inda al-khuruj. Parmi les comportements adoptés pour la femme quand elle sort, wujub al-haya. Elle doit avoir de la pudeur. هذا c'est un خلق عظيم خاصة pour le mar'a. Avoir de la pudeur. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. La pudeur elle emmène que du bien. فالسلوي كالله سبحانه وتعالى il lui a donné cette صفة الحياء فليحمد الله. C'est une صفة طيبة خاصة في المرأة. قال المناوي رحمه الله تعالى قال الحياء خير كله لأن مبدأه انكسار يلحق الإنسان مخافة نسبته إلى القبيح. صحيح. La pudeur c'est une qualité, c'est un comportement, ça va éloigner cette personne qui a cette pudeur, خاصة la femme, des choses قبيحه. نعم لأن elle va avoir une chose qui l'empêche de faire cette chose, c'est qu'elle est pudique. قال ونهايته ترك القبيح وكلاهما خير. صحيح. هذا الحياء الآن il emmène que du bien. Il t'empêche de faire des mauvaises choses. Inch'Allah c'est un rempart entre toi et هذا الشر. ومن الحياء parmi, on peut citer un exemple هنا. ومن الحياء أي للمرأة خفض المشي. C'est qu'elle a une démarche normale. خاصة عند الخروج. لأن الناس ينظرون et une démarche qui n'est pas fondée sur la, la pudeur, ça peut provoquer des fitnes. كما قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم أو ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن أمر من الله أن cette femme elle sort elle a une démarche normale. وهنا on en profite, on a cité ce verset التحذير مما يسمى بالكعب العالي, c'est les talons. Une femme qui marche avec des talons, لا شك أن ça va changer sa démarche, خاصة elle a ses talons dans certaines surfaces, carrelage et autres, ça fait du bruit ditten. وَهَذَا يُلْفِتَ الْأَنْظَارِ. Et c'est une raison de vitna. هَذَا لَا يَجُوزِ لِلْمَرْأَةِ. لَا يَجُوزِ, elle sort avec des talons. كَذَلِكْ كَمَا أَخْبَرَ بَعْدُ الْعُلَمَةِ فِيهِ تَغْرِيرِ. Robama, c'est une femme, elle est d'une taille petite, elle met ses talons pour faire croire qu'elle, qu'elle est de telle taille. Et tout ça, là, يجوز. Tout ça, là, يجوز. المرأة المسلمة يفوك لس خلق عظيم الحياة والتواضع فلا حاجة لهذا لا حاجة لما يسمى بالكعب العالي لطالون ça change la démarche et ça provoque des fitnes. كذلك من الآداب أن المرأة quand elle sort elle marche pas في وسط الطريق, elle marche pas au milieu, si c'est une ruelle une rue elle marche pas au milieu, لا دائما تجتنب. Elle marche sur le côté. On répète le verset. قال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد المفسر الإمام رحمة الله عليه كانت المرأة تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. Parmi les explications de تبرج الجاهلية, مجاهد cite أن المرأة à l'époque elle sortait et elle marchait devant les hommes. Probablement il y a des hommes derrière, au milieu de la rue. هذا من c'est من صفات الكافرات المجرمات. أما المسلمة لا. المسلمة elle est, elle marche sur le côté de la rue et les hommes ils marchent في الوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق. الحديث حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه. كذلك il y a des autres حديث في هذا حديث أبي أسيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق قال استخرنا فإنه ليس لكم أن تحققن الطريق عليكن بحافة الطريق. قال أسيد رضي الله عنه فكانت المرأة تلتصق بالجدار من لصوقها به. نعم قصي فام elles ont entendu cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم أن la femme elle doit pas marcher au milieu, elle doit marcher sur le côté. Certaines femmes, elles longeaient le mur, elles collaient le mur. Hakada, as-sahabiyat. Hakada. L'imam, elles savent très bien que c'est pour leur bien. Elles savent très bien que ce dîn, c'est un bien pour tout le monde. Et chacun a sa place. Hadihi, ba'd, al-adab, idha kharajat al-mar'a min baytiha. Kadhalik, on n'oublie pas, anna yahrum ala al-mar'a at-tashabbuh bil-rijal. Et en fait, c'est que ça soit dans la maison ou en dehors. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la'ana, bel Allah subhanahu wa ta'ala la'ana, la'natullahi ala al-mutashabbihin min al-rijal bin nisa wa al-mutashabbihat min al-nisa bin rijal. Le hadith rawa al-Bukhari an ibn Abbas. Na'am. Fa'al-mar'a, que ça soit la tenue vestimentaire, que ça soit la démarche, que ça soit le parler, le langage, tabta'id min al-tashabbuh bin rijal. Wa hakadha al-rijal لا يجوز لهم التشبه بالنساء. نختم هذه الكلمة ببعض الأخطاء التي تقع من النساء في المشي في الطريق عند الخروج من البيت. نعم des erreurs qui sont répandues. Certaines femmes des muslimates quand elles sortent من البيت elles font des erreurs qu'on va on va citer هنا. Parmi ces erreurs رفع الصوت في الطريق, رفع الصوت, élever la voix بلا حاجة. وقد قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. صحيح. C'est une cause, خاصة si le كلام il est embelli avec une certaine voix, ça c'est une cause de fitna. ربما واحد كما أخبر الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض, ربما واحد il a un cœur malade, فيطمع, il espère des choses. Et on précise هنا أن المحرم quand la femme elle sort, c'est le khudu' bil qawl. أما الكلام العادي سبا حرام حتى مع رجل سيون حاجة لكن بالشرط سكيبات فتنة بالشرط سكيبات فتنة أما سيون حاجة مثلا rendez-vous au docteur et elle n'a pas trouvé de femme et il n'y a qu'un homme et elle a de la khibra et elle est avec son mahram et elle explique quelque chose ou... là, là, bas. Tant qu'il n'y a pas de fitna fa inshallah al-muharram comme a qala azza wa jal fala takhwa'na al-khudu' bil-qawl et embellir sa voix parler avec une voix comme a qala ibn Kathir rahimahullah wa ma'na hadha annaha tukhatib al-ajanib bi-kalam laysa fihi tarkhim ay la tukhatib al-mar'a al-ajanib kama tukhatib zawjaha. نعم أنا بحال بعضك الأجانب كما بحال بعضك سماري أبدا لا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كذلك parmi les erreurs qui sont répandues رفع الحجاب قبل دخول البيت هذا صعيب خاصة dans les immeubles où qu'il y a des gens qui vivent en collectivité les immeubles مثلا t'as des voisins proches des portes qui sont très proches on va adonner les soirs avant de rentrer dans le bait, ربما ترفع الحجاب. هذا صح خطا. صح خطا لان ربما le voisin il sort et il voit هذه المراه. نعم. فلا لا تستعجل. المراه elle enlève son hijab dès qu'elle est rentrée dans le bait, elle a fermé la porte et elle est في بيتها. كذلك من الاخطاء الخروج من البيت بلباس رقيق يظهر منه ما وراء الحجاب. كذلك Et ça, on a fait une ishara en al-hijab. L'abs al-hijab, c'est une ibadah. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Cette ibadah, elle doit être fondée sur le sunnah, pas sur le hawa. Al-an, l'il-asaf, c'est malheureux, wallah, anna kam min muslima, elles sont motivées jitten. Elles veulent porter le hijab. Lakin, elles portent un hijab. Wallahi, rubbama ce hijab, il y a plus de fitna que si elle ne met pas le hijab, probablement. C'est pas ça le but. Ce hijab là, c'est une ibadah. Il ne doit pas être fondé sur le hawa. C'est pas une mode. Abadan. Al-mar'a al-muslima par rapport au hijab, ces exemples, c'est les femmes du prophète alayhi salatu wasalam. Elle doit se renseigner. Comment Aïcha porte le hijab? Hafsa. Comment elle porte le hijab? Ces femmes du prophète alayhi salatu wasalam. Amma les modes là, na'oudu billah, ba'duhunna hijab, et probablement elle a un pantalon. والمصيبه ان البنطلون اللي مولون اعوذ بالله سي با سا زي المسلمه سي با سا لباس المسلمه ابدا سا من الشر واسم من الفتنه فلو بوت سي با دو سكوفغيغ لو شيفو فقط بعض العاميات الزون سيت بونسي ان الحجاب تسكوفغيغ لو شيفو لا لو بوت سي تكوفغيغ لو كور لان لو كور دو لا فام زين فتنه فلو بوت سي تكوفغيغ سو كور عند الاجانب. كذلك من الأخطاء المنتشرة خروج المرأة في الليل بغير محرم. نعم خروج المرأة خاصة في الليل كذلك dans des endroits dangereux كذلك سفر من باب أولى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم tout ça c'est من الأخطاء si c'est un endroit dangereux ولو c'est pas un voyage المرأة لا تخرج وحدها si c'est في الليل من باب أولى معروف أن في الليل يا دي شوز كي سباس با لا جورني فالمرأة لا تخرج وحدها. إي هنا فان تنبيه أن لي سور الآن كي فيف إن فرانس إي كي بورت الحجاب الشرعي الكفار اللي لون انتغدي هناك لبغضهم للإسلام والمسلمين ففي هذا الحال سيت سيتواسيون الآن المرأة لا تخرج إلا لضرورة لحاجة ماسة أما لا تخرج جابت حاجة تخرج لأنها صافي دي بروبليم صافي دي بروبليم لأنها pour eux t'es considéré cette femme elle est considérée hors la loi ثم si elle sort ربما ça implique des victimes ربما un contrôle ربما ça va plus loin بل les agressions qu'on entend الآن صلى الله سبحانه وتعالى يحفظ المسلمين les agressions qu'on entend الآن في هذا الحال المرأة لا تخرج لا تخرج لا تخرج إلا حاجة مالادي أو شيء كذلك on conseille أولياء هذه المرأة المسكينة on conseille le mari on conseille le père on conseille le frère أنهم ne laissent pas la femme dans cette situation. كيف هذا مرأة elle veut appliquer son deen il ne lui laisse pas porter le hijab donc elle doit plus sortir Et là, chacun elle doit sortir de temps en temps. Elle a des choses. Nous, on conseille les mariés, Allah, c'est zul. Tu ne dois pas te rassurer ou accepter cette situation. Ils t'empêchent de faire ton deal et tu restes indahum. Là, tu fais des efforts, le khuruj. Tu fais des efforts, la hijra, visabilillahi azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes. Oma yattaqillah, yaj'allahu makhraja. Sahih. Hadhi la mar'ah, inshallah, fi bilad muslim, elle porte le hijab. Et quand il faut, elle sort, elle est mukarrama, mu'azzaza bil hijab. Amma l'an, elle ne peut pas sortir. Et si elle sort, elle risque agression, ou elle risque une amende, ou elle risque contrôle de police par des hommes, des kuffars. هذه في الحقيقة والله سبا une حياة والله النصيحة les hommes في هذا الحال ils se bougent et ils pensent à la hijra الآن ماذا تريد بعد هذا قد أذن العيد t'as des problèmes ta femme elle peut porter le hijab tes enfants ils sont combattus à l'école ou autre أنت dans la rue ils te voient avec l'apparence d'un musulman فربما ça pose des problèmes والله في هذا الحال t'as il n'y a aucun doute que tu vis dans ce pays. Abedan hala. Lakin nasallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa nasallahu subhanahu wa ta'ala yuwaffiq ikhwanana al-muslimin. Kadhalik min al-akhta labs ma huwa dayyiq min al-abayat. Na'am. Kadhalik ba'dahunna rubbama al-hijab aw al-abaya hadhi al-dayyiqa. Et ça montre les formes de cette femme. Hada kadhalik. On a déjà expliqué c'est quoi le maqsoud min al-hijab. Al-hijab, c'est de couvrir la femme. C'est pas de couvrir les cheveux faqata ou couvrir la peau. Là, c'est couvrir le corps, les formes, elles apparaissent pas. Le visage, il apparaît pas. Et inshallah, via al-hal, elle a porté al-hijab al-shara'i. Wa minha kadhalik. Naam. Et ça, on l'a déjà cité. Al-khuruj bi ghayri idhn. Kadhalik, hada fihi min al-mafasid. Ma fiya. Fal-nasiha. النصيحة للأخوات بالالتزام بهذه الأمور. Ça, ça fait partie de notre dîn. Ça fait partie de notre dîn et c'est pour le bien de la femme et c'est pour le bien de la communauté. هذا صحيح. أن هذا الدين nous a mis des règles. نحن n'est pas des kafara ولله الحمد. نحن on a un nabi, on a un livre, le Coran Karim, on a un prophète, le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. On a des règles et c'est pour notre bien. Et c'est une ni'ma. كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الشريعة نعمة ورحمة فنلتزم بها كذلك on conseille et on répète خاصة pour les sœurs qui vivent en France on conseille les maris, les frères et les pères أنهم يتحركون يتوكلون على الله et ils appliquent cette عبادة عظيمة الهجرة pour préserver cette femme لأنها c'est من الظلم. Et Allah, c'est min al-dhulm. Cette femme, elle ne peut plus sortir, hatta li haja. Et si elle sort, elle ne peut pas porter ce hijab. Et ça montre kadhib al-kafara al-mujrimin qui prétendent la liberté. Aïna al-an, cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pendant des années, il y avait des sœurs qui portaient le hijab al-shar'i en France et autres. Il n'y a jamais eu un problème. Le problème, il n'est pas là. Ils savent très bien le problème, il est où, hum. Lakin, hakada mudabda, des kuffars. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هكذا قال عز وجل كذلك ننبه من dernière chose قبل أن ننسى أن المرأة لا تخرج وحدها comme on a démontré la femme elle sort pas toute seule pour un safar on a dit أو un endroit dangereux أو la nuit لكن بلغنا أن بعضهن ربما elles font longue distance ربما des centaines de kilomètres ثم تقول j'avais pas la niya de voyager ثم ربما elles citent le khilaf dans le voyage là c'est pas ça de dîn un long voyage خاصةً en France wallahi quelques kilomètres ça peut être un darar dal al-an dans ta ville même t'es pas en voyage il y a un darar فتركوا مثل هذا التلاعب ça c'est du تلاعب بالدين si la femme elle doit faire une distance elle sort avec un mahram amma qawl je ne suis pas en voyage thumma rubbama elle fait des kilomètres na'oudou billah rubbama elle est en voiture wa hiya tasouq rubbama il lui arrive quelque chose hada la yajouz La yajouz. Enfin, masala, c'est masala d'din. Masala d'din, inshallah, on fait des efforts à l'ikhlas, la sincérité, on est véridique. Et ces choses, nous, qu'on a citées, c'est pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est pas pour faire du mal à Fulan ou pour chercher des excuses. Abadan. C'est pour se rapprocher d'Allah. Wa al-muwaffaq, man wafaqahu Allah. On voulait citer masala de la voiture, conduire, la conduite des femmes. Lakin, al-haqiqa, ce sujet, il faudra un peu de temps. La'alla yakoun fi. في كلمة قريبة إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما وطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين